Regarde, Jacob Boehm, c'est un cordonnier. Il a vécu à une époque où, bon, c'était plus difficile encore d'éditer, d'avoir accès des imprimeurs, puis bon. Puis, ce cordonnier-là, par son mysticisme, il a amené des concepts hermétiques qu'au jour, un jour, les physiciens vont revisiter ça, puis être très surpris. Pourtant, c'est du monde qui n'a aucune connaissance de rien. Mais ils ont un savoir. Puis la connaissance va tout le temps être en retard. C'est sûr, ça fait partie de ce qu'il y a de la connaissance, c'est formel, c'est mécanique, c'est dense. C'est un support. Donc, ça va tout le temps être en retard sur le savoir. Le savoir, c'est instantané. Puis tu peux pas expliquer. Quand tu sais de quoi, tu n'as pas à l'expliquer. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, là. Ça revient au principe que le savoir est absolu et la connaissance relative. Oui, mais. Puis le pire, c'est qu'on a souvent mis ça en opposition. Pourtant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de réelle opposition. La connaissance, ça fait partie du savoir. Qu'on le veuille ou pas, c'est une des manifestations les plus denses. Mais, tu sais, je veux dire. Les gens, même à une époque où il n'y avait pas les formes pour exprimer certaines choses, ben c'était là pareil. Donc, je veux dire, c'est l'être humain, c'est un être existentiel. Donc, il veut expliquer, il veut s'expliquer tout. Il veut une explication qu'il est capable de comprendre au niveau de son mental. Mais le plan matériel, c'est pas un plan mental. On essaie de synthétiser dans le mental le réel. Mais c'est sûr que ça, c'est parcellaire. Puis c'est normal qu'à mesure que tu as une réponse, tu vas avoir juste plus de questions. Oui, ils vont trouver des réponses. Ouais, mais c'est sûr, ça devient un trou sans fond, là. Ah oui, puis ben franchement. C'est là, des fois, je me dis, t'as des gens extrêmement instruits, comme bon, des gens très calés en physique théorique, puis après, tu les observes comme fou, tu te rends compte. Ils sont très intelligents, mais ils n'ont aucune conscience. Tout ce qui compte, eux autres, c'est l'expliquer, d'essayer au niveau synthétique, mental de synthétiser le réel, c'est tout. Puis il y a comme un mécanisme de survie là-dedans, parce que dans le fond, c'est du monde qui angoisse. C'est du monde qui sont pris avec des pulsions de mort, des fois terribles.